issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 5 janvier, les Verts rencontrent les Jaunes. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir Bruno, il vous dit bonsoir. Écoutez, on a quelques nouvelles pour commencer. Vous vous doutez que c'est peut-être un peu au sujet de la convention Terra Incognita. Et puis, c'est exactement cela. On est en mesure ce soir de vous confirmer le groupe tête d'affiche pour le dimanche. Il s'agit de Caipa da Capo. Peut-être que ça va rappeler quelque chose à certains amateurs, Caipa, mais c'est pas tout à fait. Enfin, c'est le nouveau projet de Ryan Stout. On va avoir le plaisir et l'honneur de recevoir Ryan Stout le 17 mai au Centre d'art. Avec son nouveau projet, Caipa da Capo, c'est finalement la renaissance de Caipa, en quelque sorte, des années 70. Il a reformé le groupe avec deux anciens musiciens du groupe. Et puis, étant donné que le groupe a continué sous l'appellation Caipa, le groupe, le claviériste a continué. Donc, M. Stout a eu l'idée de rebaptiser cette formation de Caipa da Capo. Et da Capo qui veut dire de nouveau en italien. Donc, Caipa de nouveau, mais nouvelle formation. Et puis, le groupe a présenté deux ou trois concerts, je pense, en Suède. Pas plus, il n'y a rien d'autre. Et on va avoir vraiment la chance de voir ce groupe-là à l'œuvre. Je pense pas qu'ils vont en présenter une tonne. Et puis, probablement avec un nouveau disque. Ryan Stout m'a dit qu'il s'installe en studio avec des gars en janvier. Et il est pas mal confiant d'arriver avec un nouveau disque là, au mois de mai. Donc, c'est une bonne nouvelle, avec des petits points en avant. Donc, voilà. Très bonne nouvelle. Donc, Caipa da Capo. Et puis, autre confirmation pour le dimanche 17 mai, Il Castello di Atlante, qui va nous refaire un petit coucou, une petite visite le 17 mai, et nous présenter un nouveau disque. Donc, les Italiens seront de retour pour notre plus grand bonheur, donc Il Castello di Atlante, le 17 mai aussi. Donc, la journée du 17 mai va ressembler à Frog Café en après-midi, Il Castello à 19h30, et Caipa da Capo à 21h30 à peu près. Et puis, ben, si je vous parle un peu de Kaipa, c'est que, juste pour le situer, le groupe, dans le fond, c'est que ça s'est annoncé beaucoup Flower King. On va en écouter une pièce de Kaipa. C'est une pièce inédite qui nous vient d'une compilation qui s'appelle Vimus, publiée en 1994. Et vous allez voir qu'il y a des liens de parenté là, assez faciles à établir avec Flower King. C'est qu'on y va, nous, sans plus tarder, avec cette première pièce donc de Kaipa. Et ben, je vous rappelle que c'est le groupe Kaipa qui s'est comme rebaptisé Kaipa d'Acapo pour revisiter strictement les trois premiers disques des années 70. Puis à mon goût, là, c'est pas mal là, les meilleurs. On y va donc avec Kaipa. Thank you. patience well beyond our lives. Current flow with undertow and eddy swirl and undermine. On the edge of sea and sand. Waves ran granite into sand. Eons pushed the mountains high. Deserts over ancient seas bury the secrets of our lives. Rivers sway and forests creak, roots clinging to the shore. Changing seasons have no reason. Snow and rain and sun and storm. On the edge of sea and sand. dreams have turned to ashes. I fear I have nothing left. My hopes and dreams are shattered. Of life I'm left bereft. Where embers glow, there is still light. Can I draw hope from what once was? Then I realize that I'm not done. I'm not finished with this cause. Rises from the ashes, its eyes brighter than before. Still understanding its past lessons from the life he had before. He understands the bad times, helps him rise up from the fall. Helps him understand where he is now, gives the finger to you. I will not bend, I won't conform. This is how I'm meant to be. This is me, this is what I want. Just wait there and you'll see. A shadow man, a person hollow at the core. Now I hardly recognize myself with the way I was before. Rises from the ashes, its eyes brighter than before. Still understanding its past lessons from the life he had before. He understands the bad times, helps him rise up from the fall. Helps him understand where he is now, gives the finger to you.

Je dis probablement parce que ça se peut qu'il y ait un guitariste invité comme l'année dernière. Donc, Elephant of Scotland, de leur disque Home Away From Home, et c'est leur deuxième disque. Il y avait Il Castello, tout juste avant, qui, bon, pour ceux qui viennent tout juste de prendre, en tout cas, ceux qui commencent à nous écouter, ça a été confirmé, donc, le 17 mai, 19h30, dans le cadre de la convention Terra Incognita, Il Castello di Atlante, qui vont venir nous présenter un nouveau disque. Et on a amorcé avec un extrait d'une compilation suédoise, là, très rare, qui a pour nom Vimus. C'était le groupe Kaipa. Et puis, encore pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, c'était pour souligner la confirmation de la venue du nouveau projet de Ryan Stout de Flower King Transatlantique. Donc, c'est Kaipa da Capo, qui est, comme je l'expliquais tantôt, c'est le retour du Kaipa des années 70, sont trois membres originaux, plus deux invités. Donc, tout ce qu'ils font, eux autres, c'est vraiment se concentrer sur le matériel que le groupe a enregistré dans les années 70, mais ils ne peuvent pas prendre le nom de Kaipa parce que le claviériste lui a continué avec le nom. Mais eux veulent, étant donné qu'ils ont fait partie du groupe, donc je pense d'ailleurs que Stout est arrivé dans le groupe il y avait 17 ans, c'est jeune, merci, mais ils ont décidé, eux, de reprendre vraiment le matériel des années 70, et puis ils vont enregistrer un nouveau disque dans ce mood-là, dans les atmosphères encore du prog symphonique des années 70, et sa promesse, il rentre en studio en janvier pour ce disque-là. Ils vont venir nous le présenter donc le 17 mai à la convention Terra Incognita, donc Kaipa da Capo, qui va couronner et conclure la 11e édition de Terra Incognita. Pour moi, personnellement, je suis aux anges, aux oiseaux, tout ce que vous voulez, là, juste de savoir que je vais pouvoir revoir probablement un de mes guitaristes préférés, et puis je vous disais tout de suite le contexte va porter à ce que M. Stout joue de la guitare, mais pas à peu près. Il y a quelques extraits vidéo de concerts qui ont eu lieu en Suède, et puis c'est vraiment là, de toute beauté. J'ai hâte au mois de mai. Donc, c'était nos confirmations pour ce soir. C'est quasiment complet. On va probablement arriver la semaine prochaine ou dans deux semaines avec la programmation complète. Et puis, bon, on va continuer la musique, nous, en attendant, avec, justement, on parlait de Kaipa da Capo, qui nous vient de Suède. Lui, il nous vient de Norvège. Monsieur Bjørn Riis, avec son premier disque solo, Lullabies in a Car Crash, c'est évidemment sur les ondes de CKRL 89.1. Hi, this is Bjørn Riis, and you're listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. Thank you. breathe slowly now. And don't be afraid. Lay down and rest your head. It's over now. So don't look back. Stay with me.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écotantique.com. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Bird People... L'Exode Dieu et Roi, Mille fois bonne nuit, Programme Kino Québec, les rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal à Québec présentent 18 Fugitives. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, Bird People, Mille fois bonne nuit. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans, est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Effectivement, c'est le 89.1. Terra Incognita. Eh bien, c'est déjà une heure de passé. On va jeter un petit coup d'œil avant de continuer. Il y avait les deux dernières pièces. En fait, c'est un groupe français, mais peut-être que certains ont remarqué que j'avais fait un petit pont avec Riders on the Storm là, des Doors. C'était juste pour les lier les deux, parce que je trouvais que la première pièce sonnait pas mal Doors. Donc, c'est un groupe français, Juke, du disque Chimera's Tale. C'était les deux dernières. Et puis, avec le pont, évidemment. Et puis, on avait amorcé avec Bjørn Riis, le Norvégien, guitariste et principal compositeur du groupe Airbag. C'est son premier essai solo, Lullabies in a Car Crash. Et peut-être qu'un jour, on aura le bonheur de le voir à Québec, ou en tout cas avec sa formation, Airbag. On va toucher du bois. C'est dans le domaine du possible. Et bien là, on va continuer. On va aller faire un petit tour du côté des États-Unis cette fois-ci avec... compositeur, je pense qu'il est natif des Pays-Bas, mais il s'est installé à New York il y a quelques années. C'est son deuxième essai. Le premier, moi, j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci, là, vraiment, c'est une belle surprise. Le compositeur et musicien en question, c'est Anton Roulart, et son disque, c'est The Plight of Lady Una. Il y a Agnès Lamme de Renaissance comme invité spécial sur ce disque-là, et franchement, une belle surprise. Donc, on y va sans plus tarder. Juste le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita et c'est 89.1 CKRL. In the silence we

the streets, a shelter and a home, not a single place to stay. He couldn't find his way. Sometimes he wondered why the old passed by, wondering why he was put aside. If only he could hide. There is a life that makes the child in you alive. Now close your eyes, believe it's true. It's high time. Forget the past and see that you're just not alone. Find your place and pack your bags. You're on the road. Some time ago he wanted to sleep, avoid all the problems and bury them deep. He didn't dream that night. It didn't seem quite right. After some years he moved out of town, forever leaving his hometown behind. Step into the world, walk into light. There is a life that makes the child in you alive. Close your eyes, believe it's true. It's high time. Forget the past and see the. Thank you. life that makes the child in you alive. Close your eyes, believe it's true. High time. It's been a long road to paradise. Leave your home, pack your bags, join me in this place. Inside my mind, forget to remember compress or stretch time. I'm going down false memory lane. I'm going down false memory lane. Try to make sense of a world that's behind my eyes. Sit on the fence and embrace all the lies inside false memory lane. False memory lane. most expects, gone dark with age. Truth is a blind mouse lost in a maze. They say that nostalgia's not what it was. History's free and I've saved on the cost. I'm going down false memory lane. I'm going down false memory lane. Try to make sense of a world that's behind my eyes. Sit on the fence and erase all the lies inside false memory lane. It's open again. False memory lane. It's open again. It doesn't make any sense without me. Do I take that road or hide in my tree? It doesn't make any sense without me. So why should I stay bowed down on my knees? Yeah.